avec des doigts, des triceratops en plus. Non, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Non, moi, je n'ai pas peur. Check 1, 2, 3.